Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Bwana fanya kitu. Je veux être comme toi, Seigneur. Nahitaji kuwa kama wewe. Je veux être comme toi, Seigneur. Nahitaji kuwa kama wewe, Bwana. Je veux répondre à ton rêve. Ton désir, Seigneur. Nahitaji langu. C'est mon désir. Nahitaji langu. Ton désir, c'est mon désir. Nihitaji langu. Visite-nous ce soir. Ututembelee jioni ya leo. Et parle à nos cœurs. Naongea na mioyo zetu. Nous avons soif de toi, Seigneur. Tuna kiu yako, Bwana. Laisse-toi trouver à nos cœurs. Acha wendo kapatikane na mioyo zetu. Je veux te connaître. Nahitaji nikujue. Te connaître, Seigneur. Kukujua. Te connaître. Kukujua. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. S'asseyons. Tunaketi. Alors nous avons commencé de partager sur le rêve de Dieu. Tulianza kuzungumzia juu ya mafikiri ya Mungu. Pour l'homme. Kwa ajili ya mwanadamu. Que Dieu nous aide. Acha Mungu atusaidie. Il est écrit, quand le Fils de l'homme arrivera sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Imandiko wakati mwana wa mtu atarudi duniani, je atakuta imani ngali? Autrement dit, quel genre d'être humain, quand il reviendra, il va trouver ici? Kwa maneno mengine ni aina gani ya mwanadamu atakayemkuta wakati atakaporudi hapa? Reviendra, est-ce qu'il va se retrouver? Atakaporudi, je atajikuta? Est-ce que Dieu va se retrouver? Je Mungu atajikuta? Quand il doit revenir prendre l'église. Wakati atakuja kuchukua kanisa. Est-ce qu'il va se retrouver? Je kabisa atajipata? Combien de gens seront enlevés? Ni wangapi watanyakuliwa? Et pourquoi seraient-ils enlevés? Na sababu gani watanyakuliwa? Parce que qui aurait aidé à faire connaître Dieu? Sababu nani ambaye angepaswa kuwasaidia kumjua Mungu? Quel modèle aurions-nous été sur la terre? Ni mfano gani ambao sisi tutakuwa tumekuwa hapa duniani? Et qu'est-ce que nous faisons là? Na nini tunaifanya hapa? Hallelujah. Amen. Nous avons vu que le standard est aussi élevé de Dieu. Tumeona kwamba kanuni ziko juu sana za kanuni za Mungu. Comme lui. Kama yeye. Souhaitant avoir des êtres humains sur la terre. Akitamani kuwa na wanadamu qui duniani. Constitue son extension sur la terre. Ambao wanakuwa endeleo lake hapa duniani. Veuillez retenir. Mushike. Dans le psaume 82 verset 6-7. Ndani ya kitabu cha Zaburi 82:6-7. Vous êtes de Dieu. Imeandikwa nimewaambia ninyi ni Mungu. J'aimerais ici fixer. Hapa ningependa niseme kitu fulani. Que c'est Dieu au minuscule. Ya kwamba ni Mungu mdogo. J'espère que ça c'est précis. Nikiwaza hii kabisa inasikilika vizuri. Nous ne sommes pas les dieux. Hatuko Mungu mkubwa. Le Dieu créateur. Hatuko Mungu muumbaji. Mais il a pris quelque chose de lui-même. Lakini alichukua kitu ndani mwake. Et déposé comme dotation dans l'homme. Na akaiweka ndani ya mwanadamu. Afin que cette dotation en nous. Ili kwamba ile ambayo ameweka ndani mwetu. Constitue la vaisselle ou le moyen de contact de Dieu avec nous. Iwe njia ambayo Mungu atapitia kwa kushiriki pamoja nasi. Mais aussi constitue la possibilité que Dieu nous donne d'être le porteur de Dieu. Na inakuwa uwezekano ambao Mungu anatupa ili tuwe wanaobeba Mungu. Quand vous pouvez voir Dieu dans la nature, wakati unaweza kumwomba ona Mungu ndani ya maumbile, c'est différent. Ni tofauti de voir Dieu dans l'homme. Kumuona Mungu ndani ya mwanadamu. Et si quelquefois il est arrivé qu'il y ait une manifestation de Dieu dans une autre créature que l'homme, na kama imefika mara moja ambapo Mungu anajionyesha ndani ya kiumbe kingine ambacho si mwanadamu, vous pouvez observer que ça a toujours été différent. Unaweza kuchunguza kwamba imekuwa tu tofauti. Généralement c'est sans suite, généralement ça c'est pas durable, c'est mara ile kitu haidumu, c'est spontané, c'est sporadique. Inatokea tu kwa ghafla na kisha natoweka. Yesu kasema, si ses enfants se taisent, wana hawa watoto hawa wakinyamaza, mawe yataimba. Même si les pierres chanteraient, hata kama mawe yangeimba, ça serait spontané. Ingekuwa tu ni kwa ghafla. Le corbeau a apporté la nourriture à Élie. Kunguru ilimletea Elia chakula. Ça n'est pas devenu la vie définitive de Élie. Na hiyo haikugeuka maisha ya kawaida ya mwisho ya Elia. Mais Élie a apporté la nourriture à la veuve de Sarepta. Lakini Elia alimpelekea chakula ule mjane wa Sarepta. Elle a mangé durant 3 ans et demi. Na alikula muda wa miaka 3 na nusu. Elie lui-même est resté là, il a mangé là-bas. Na Elia yeye mwenyewe alibaki na kakula hapo. Quand Dieu utilise l'homme, wakati Mungu anamtumia mwanadamu, c'est durable. Mambo inakuwa ya kudumu. Parce que nous avons en nous les installations prévues. Ndani mwetu tuna matengenezo yote ambayo yame. Les installations prévues. Matengenezo yote ambayo yameandaliwa. Qui permettent que Dieu soit à mesure de fonctionner en nous. Ambao inaruhusu kwamba Mungu awe na uwezo wa kutumika ndani mwetu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous attend donc à un standard élevé. Ni kusema Mungu anatungoja kwa kiwango cha juu. Avons-nous dit en nature? Tumesema ndani ya asili. En système de fonctionnement. Ndani ya mitumikio yetu. Et en esprit. Ndani ya roho. Et hier, na jana, nous sommes limités à parler de ces standards élevés en nature. Tulizungumzia kiwango cha juu kwa kiasili. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que la nature que Dieu attend de nous, qu'il a prévu, qu'il a fait saillir en nous, ni tulisema kwamba ile asili il nous a créé à son image. Ametuumba kwa mfano wake. Selon sa ressemblance. Tunafanana na yeye. Et il a prévu que nous allons atteindre la stature parfaite de Christ. Na ameandaa kwamba tutaifikia kiwango kikamilifu. Et dans son entendement, na ndani ya kuelewa kwake, il voudrait que tout homme, toute femme, anahitaji kila mwanaume na mwanamke, vienne à cela. Afikie hiyo. Afin que, ili kwamba, Dieu Mungu se promène sur la terre au travers des êtres humains. Atembeye duniani kupitia wanadamu. Qui ont été créés à son image. Ambao wameumbwa kwa mfano wake. Rappelez-vous de la vision. Kumbukeni maono. Nous sommes lumière des nations. Sisi ni nuru ya mataifa. Et porteurs de salut. Na wanaobeba wokovu. Aux extrémités de la terre. Hadi mwisho wa dunia. Et nous bâtissons des hommes tunajenga watu forts ambao wenye nguvu pour qu'ils le deviennent. Ili kwamba wakuwe hao. Ce programme mpango huu s'inscrit dans cet objectif. Inaingia ndani ya hiyo shabaha. Bâtir des hommes piliers kujenga wanaume nguzo qui deviennent lumière des nations ambao watakuwa nuru ya mataifa qui deviennent porteurs de salut ambao watakuwa wabebaji wa extrémités de la terre hadi mwisho wa dunia. Mais qu'est-ce que c'est que porter le salut? Lakini ni nini kuibeba wokovu? Si ce n'est porter Dieu en réalité. Kama haiko kumbeba Mungu kikweli kweli. Il y a des défis autour de nous. Kuna matatizo dans nos familles, dans nos maisons, dans nos carrières. Ndani ya jamaa zetu, nyumba zetu, qui n'attendent que quelqu'un apporte Dieu là. Ambazo zinangoja kwamba mtu amlete Mungu. Ces défis attendent Dieu. Tatizo hizo zinamngoja Mungu. Mais qui va amener Dieu? Lakini ni nani atamleta Mungu? Il faut que quelqu'un soit porteur du salut. Yaomba kuna mtu ambaye atakuwa mbebaji wa wokovu. Mais comme les besoins vont sur l'ensemble de la terre. Lakini njisi itaji zinakuwa ndani ya dunia nzima. Le prophète Esaïe dit, Nabi Isaïe anasema, portez mon salut peleka wokovu yangu jusqu'aux extrémités de la terre. Mpaka mwisho wa dunia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ce soir, jioni ya leo, voulons aborder le deuxième standard attendu. Tunatafuta kuzungumzia kanuni ama kiwango ya pili ambao Mungu anangojea. Notre système de fonctionnement. Ambao ni namna mitumikio yetu. Notre système de fonctionnement. Aina ya mitumikio yetu. C'est-à-dire, inamaanisha quand Dieu nous lance sur la terre, wakati Mungu anatutupa duniani, comme son extension, kama vile endeleo lake, il désire que nous puissions bien fonctionner sur la terre. Anahitaji kwamba tutumike vizuri duniani. C'est-à-dire notre manière d'être, yamaanisha namna yetu ya kuwa, notre manière de vivre, namna yetu ya kuishi, doit avoir un standard élevé. Inapaswa kuwa na kiwango cha juu. Et ce standard élevé, na kiwango hicho cha juu, doit être basé sur des principes. Inapaswa kuwa inaikalia kanuni. Basé sur quelque chose que finalement on peut appeler, inaikalia kitu ambacho tunaweza kuita, une mentalité, namna ya kufikiri, une manière de voir, namna ya kutazama mambo, une manière d'être, namna ya kuwa, une manière de fonctionner, namna ya kutumika. Alléluia. Amen. Et quand nous allons dans les Écritures, na tunapoingia ndani ya maandiko, nous pouvons retrouver des personnes qui ont mal fonctionné. Tunaweza kuwakuta watu waliotumika vibaya. Et qui ont raté l'objectif divin. Na ambao walikosa lengo la Mungu. On peut en citer quelques-uns ici. Tunaweza kuwataja wamoja kati yao. Allons un peu au commencement. Tunaweza kurudi kwa mwanzo. Dans Genèse chapitre 1 verset 3. Ndani ya kitabu cha Mwanzo sura moja mstari wake wa tatu. C'est Adam et Ève. Adamu na Eva. Bien fabriqué. Ambao wametengenezwa vizuri. Bien formé. Ambao wametengenezwa vizuri. Mais dans le chapitre 2 verset 17. Lakini ndani ya sura ya pili mstari wa 17. Dieu lui donne un principe. Mungu anampatia kanuni. Il dit, j'ai mis dans le jardin anamwambia nimeweka ndani ya bustani l'arbre la connaissance du bien et du mal, muti wa kujua mema na mabaya, qui en fait était le test, ambao ilikuwa kama vile kipimo, le test du système de fonctionnement de Adam, ilikuwa ya kupima namna mtumiko ya Adamu. À partir de cet quatrième arbre, kupitia hii mti ya ine, je verrai comment tu vas fonctionner, nitaona namna gani utatumika. Et je vous ai dit hier, jana, le libre arbitre huru, que Dieu a mis dans l'être humain Mungu ndani est parti de là. Hapo. C'est-à-dire, yamanisha, vous n'allez pas vivre sur la terre comme des robots, hamtaishi duniani kama robo, mais vous allez être libre lakini de vos huru, choix. Huru kwa kuchagua. Ça va vous permettre de jouir de la vie de manière... La vie va avoir un sens parce que vous ne serez pas juste contraint, juste entraîné comme une machine. Na maisha itakuwa na maana sababu hamtakuwa mnashurutishwa kufanya vitu kama vile mashine. Alléluia. Amen. Mais vous serez libre de vos actions. Lakini mtakuwa huru kwa kufanya matendo yenu. Et cette liberté na uhuru huo va permettre que nous puissions interagir comme des êtres humains. Na hiyo uhuru itaacha kwamba tunatumika, tunajadiliana kama wanadamu. Ou interagir comme des dieux. Tunajadiliana kama parce Mungu. Parce que Dieu aussi son libre arbitre. Sababu Mungu na ana uamuzi huru wake. Il décida de créer l'homme. Akaamua kumumba mwanadamu. Il décida de le créer comme il voulait. Akaamua kumumba jinsi alivyotaka. Personne n'a contré Dieu de nous créer. Hakuna aliyemshurutisha Mungu atuumbe. Ni de nous créer de telle manière. Ama tuumbe kwa namna fulani. Il a été libre de nous faire. Yeye alikuwa huru kwa kutufanya. Et il a voulu que l'homme nalitamani kwamba mwanadamu vienne dans ce standard là. Akute ndani ya kiwango hicho. Cha uchaguzi ama huru. Parce que sans cela, uchaguzi huru, la vie sur la terre serait mécanique. Maana bila hiyo maisha duniani ingekuwa kama bila kukatwa, ingekuwa ambayo haina utamu. Elle allait être dégoûtante. Ingekuwa haina utamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici, natazama, que ce Adam, huyo Adamu, bien formé, amba, il ne manque de rien, je vous ai dit hier. Na il a quatre formes d'arbres. Anakuwa na ina ina miti. Arbre pour ses yeux, arbre pour son estomac, arbre pour la vie, arbre pour la connaissance du bien et du mal. Mais il choisit la dernière, le dernier arbre. Anakuwa na aina ina ya miti, lakini anachagua tu ile aina ya mwisho ya mti ambao ni mti wa kujua mema na mabaya. Mais pourquoi tu fais ce genre de choix, Adam? Sababu gani unachagua kama hivi, Adamu? Quelque chose cloche dans son fonctionnement. Kuna kitu ambacho kinaharibika ndani ya mtumiki wake. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. On peut citer Caïn. Tunaweza kumtaja Kaini. Au chapitre 4. Kwenye sura ya 4. Ils ont une bonne idée d'offrir à Dieu. Walikuwa na wazo nzuri la kumtolea Mungu. Et puis, na kisha, pour le petit frère, ça a marché. Kwa mdogo wake mambo ilienda. Pour le grand frère, ça n'a pas marché. Lakini mkubwa yeye mambo hayakukubaliwa. Kaini, tu fonctionnes comment? Namna gani unatumika Kaini? Dieu vient. Mungu anakuja. Et lui pose la question. Na namuuliza swali. Pourquoi ton visage est comme ça, Kaini? Sababu gani uso wako unagunjama hivyo, Kaini? J'ai l'impression que quelque chose ne marche pas en toi. Naona kwamba kuna kitu ambacho hakiendeki vizuri ndani mwako. Écoutez. Sikiliza. Dieu lui dit. Mungu anamwambia. Si tu agis bien. Ukitenda vizuri. Si tu fonctionnes bien. Kama unatumika vizuri. Tu releveras la tête. Utainua, utanyanyua kichwa chako. Si tu fonctionnes mal, na ukitumika vibaya, le péché est tapis à ta porte. Zambi inaketi mlangoni pako. Dieu vient donner une seconde chance. Mungu anakuja kumpatia bahati ya pili. Kaini. Vous connaissez l'histoire. Mnajua historia. Après, Caïn l'a tout gâché, il a tué son frère. Na kisa Kaini akaharibu vyote, akamuua ndugu yake, na Mungu akarudi. Pour dire, où est ton frère? Akamwambia ndugu yako yuko wapi? Écoutez la réponse de cet homme qui fonctionne, système de fonctionnement déficient. Sikiliza sasa jibu ya huu mtu ambaye anakuwa na namna mitumikio mbaya. Il répond à l'Éternel. Anamjibu Mungu. À son créateur. Mumbaji wake. Suis-je le gardien de mon frère? Je, moi. Mimi ndimi zamu wa ndugu yangu. Kaini, qu'est-ce qui t'arrive? Kaini, nini mekupiki? Si tu comprends, tu parles à qui? Je, unaelewa unaongea na nani? Et puis Dieu libère les sanctions. Na kisa Mungu anaachilia malipizi. Écoutez ces garçons. Sikiliza huyu kijana. Il dit, mais Seigneur. Anasema Bwana. Cette sanction est terrible. Hii malipizi iko nguvu. Mais si quelqu'un me trouve là, il va me tuer. Kama mtu ananikuta kule sataniua. Vous savez. Unajua. Quand quelqu'un fonctionne mal. Wakati mtu anatumika vibaya. Vous pouvez le repérer par ses paroles déjà. Unaweza kumugundua hata kupitia maneno yake tayari. Kaini. Kaini. Dieu t'offre une seconde chance. Mungu anakupatia bahati ya pili. Mais comme tu fonctionnes mal. Lakini jinsi unatumika vibaya. Tu rates. Unaikosa. La grâce. Unakosa ile neema. Que dire de Samson? Tuseme nini? Juges chapitre 14. Juu ya Samson ndani ya kitabu cha Waamuzi 14. Plein d'onction. Anajaa upako. Mais système de fonctionnement foutu. Lakini namna mitumikio kabisa inaharibika. Il est écrit. Imeandikwa. Et l'esprit commença à l'agiter. Na roho ikaanza kumtikisa. Quel esprit? Ni roho gani huyo? Le Saint-Esprit. Ni roho mtakatifu. L'onction est déjà là. Upako uko tayari. Il est loin depuis le sein maternel. Amepakwa tangu tumbo ya mama yake. Toutes les provisions pour représenter Dieu sur la terre sont là. Akiba zote kwa kumwakilisha Mungu duniani zipo. Les capacités, les provisions, la puissance uwezo sont akiba disponibles. Nguvu ziko tayari. Caïn, Kaini, tu es chargé de libérer Israël des Philistins. Samson, wewe umetumwa kuwaokoa wana Israeli toka mikononi mwa Wafilisti. Mais toute sa vie. Lakini Samson maisha yake. Il va marcher en parallèle. Atatembea kinyume. Avec l'objectif de son existence et sa destinée. Pamoja na ile shabaha. Il devait être en train de marcher ici pour libérer Israël de Philistins. Angepaswa kuwa anatembea hapa ili awaokoe Israeli toka mikono ya Wafilisti. Mais il marche à côté. Lakini anatembelea pembeni. Avec les mêmes provisions. Pamoja na ile silaha, la puissance. Ile ile uwezo na ile ile nguvu. Il marche à côté de sa destinée. Anatembea pembeni ya hatima yake. En train de démontrer sa puissance. Uwezo wake. Je crois pour que les femmes l'aiment. Nafikiri ili kwamba wanawake wampende. Parce que dès le premier instant. Sababu tangu muda wa kwanza. Il descend à Timna. Anashuka pa Timna. Et il voit une femme. Na naona hapa mwanamke. Et il dit à son père, à sa mère. Anambia baba yake. Je viens de Timna, j'ai vu une femme là-bas. Prenez-la pour moi. Nimetokea Timna, nimeona mwanamke huyo mumuniowee. Et ses parents lui disent, hey, na wazazi wake wanamwambia, tu n'as pas eu de fille ici chez nous. Je hukuona mabinti hapa kwetu. Et c'est j'ai déjà un peu comme disait Chituta, navribua. Muletia msitiko abatumite abatukaenda. Nipe ole mwanamke ou rien. Donne-moi cette femme ou rien. Tu as l'onction de Dieu pour nous sauver de ces Philistins. Una upako wa Mungu. Kwa kutuokoa toka wa Filistini. C'est quoi ça? Na hii sasa nini? J'ai vu une femme là-bas, papa, maman dit, prenez-moi la femme. Nimeona bibi kule baba mama muende mkani wawe ule mwanamke. Système de fonctionnement déficient. Namna mitumikio ambayo inaharibika. Écoutez frères sœurs. Sikiliza ndugu na dada. Nous sommes sur la terre pour un but. Tuko duniani kwa ajili ya lengo. Et le but est de standard élevé. Na lengo hilo linakuwa la kiwango cha juu. Pour transporter Dieu, pour transporter le divin, pour transporter les prévisions de Dieu, les objectifs de Dieu. Mais il suffit que notre système de fonctionnement soit déficient. Que nous allons tout rater. Dieu fonctionne normalement. Mungu anatumika vizuri. Il voulait être sur la terre. Alitamani kuwa duniani. Lui-même. Yeye mwenyewe. Il a créé l'être humain. Akamuumba mwanadamu. Et il a attendu. Na kangoja. Que cet homme fonctionne bien. Ili kwamba ule mtu atumike vizuri. Vous voyez, unaona? Nous prions quelquefois, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, baptise-moi à nouveau, Seigneur, répands ton esprit, Seigneur. Quelqu'un a eu ça? Kuna mtu ambaye aliipata? Depuis le sein maternel. Tangu tumbo ya mama yake. Et l'onction l'a servi. Na upako huo à chaque étape à se sortir d'affaire. Ikasaidia kwa kufanya biashara yake. Jusqu'au dernier jour de sa vie. Mpaka siku ya mwisho ya maisha yake. Quand les cheveux repoussent. Wakati nywele zinaota tena. Il dit. Anasema Dieu. Mungu. Fais-moi grâce. Uninemishe. Afin que je venge mes yeux. Ili kwamba nilipize kisasi kwa ajili ya macho yangu. Tu ne dis pas que je venge le peuple d'Israël. Hauseme hata ili kwamba nilipize kisasi kwa ajili ya wana wa Israeli, lakini unalipiza kisasi njo macho yako. Ah, Samson. Samsoni. Beaucoup de gens sont devenus riches sur la terre là. Watu wengi wamekuwa tajiri hapa duniani. Pour un but que Dieu a défini. Kwa ajili ya lengo ambalo Mungu ameliandaa. Ils ont passé tout leur temps. Kisha wanapitisha muda wao wote à côté de la plaque. Pembeni ya njia. Pour jouir de la vie. Ili waenjoy maisha. Je me suis posé la question. Nimejiuliza swali. Est-ce que quand on devient riche? Je wakati unakuwa tajiri. Les organes sexuels se détendent ou se libèrent. Viungo vya siri vinajifurahisha ama vinajiacha huru. Ça devient robinet ouvert. Inakuwa kama vile robina ambao umefunguliwa. Pourquoi tu es contraint? Sababu gani unashurutishwa? Il y a vraiment pas autre chose. Kabisa hakuna kitu kingine. Il y a pas moyen d'être heureux sans le péché. Hauwezi kuwa na furaha heri bila zambi. La vie ne sera jamais agréable s'il n'y a pas une dose de péché dedans. Maisha hayatakuwa matamu kama hakuna kipimo cha dhambi ndani mwake. Le bonheur n'est pas chez Dieu. Heri haiko kwa Mungu. Regardez dans 1 roi 12 et à 18, ce jeune homme aussi fils de Salomon. Angalia ndani ya kitabu cha Wafalme wa kwanza 12, 18. Les kijana ambao ni mtoto wa Salomon, wazee wanamwambia. Wazee wanamwambia. Ton père nous a fait souffrir. Baba yako ametutesa. Nous avons un seul conseil à te donner. Tunashauri tu moja la kupatia. Allège la vie du peuple. Uende ukafanye maisha si ya watu iwe rahisi. Ukiifanya. Nous allons nous donner à toi. Tutajitoa kwako. On sera à ta portée. On sera à ton service. Nous serons tes esclaves. Tutakuwa watumwa wako. Je vous ai déjà expliqué dans le passé. Nimeshawafasiria wakati uliopita. Nous dominons par le bien. Tunatawala kupitia mema. Écoutez, sikiliza, tu fais du bien, unatenda mema, tu seras dominant. Utakuwa mtawala. Les anciens lui disent, wazee wanamwambia, tu veux dominer sur nous, wahitaji kutawala, tu veux réussir ton pouvoir, wahitaji kufaulu mamlaka yako, fais-nous du bien. Ututendee tu mema. Et le jeune homme va consulter les garçons de sa jeunesse. Na ule kijana nenda tafuta vijana wa ujana wake. C'est notre tour d'écraser, de régner. Maintenant c'est le règne de la jeunesse. Wanamwambia hapana, ni wakati wetu. Ni utawala wa vijana sasa. C'est le temps de nous les jeunes. Sasa ni wakati wetu sisi vijana. On doit montrer que nous sommes jeunes, on a les muscles. Inaomba tuonyeshe kwamba sisi ni vijana, tuna nguvu, tuna mishipa. Tutawaangamiza wapendwa. La réponse du peuple. Jibu la taifa ilikuwa nini? Ce qui est étonnant. Na kwa ya kushangaza. Vers le verset 18. Shaili la 18. Le peuple dit. Taifa watu wakasema. Quelle part avons-nous avec David? Tuna sehemu gani pamoja na Daudi? Il ne parle même plus de Salomon. Hawazungumuzi hata tena juu ya Salomon. C'est-à-dire. Ni kusema. Avec David nous avions une part. Pamoja na Daudi tulikuwa na sehemu. Mais son père là Salomon. Lakini baba yake avec ses mille femmes. Pamoja na wanawake wao. Et puis ce jeune homme ici. Il veut nous écraser. Anapenda tuangamize. Quelle part il nous reste avec ça? Tuna quelle histoire? Quel souvenir? Quel est le reste? Tunabakia na nini? De David. Nini na ubaki pour la nation. Kwa ajili ya taifa. La Bible dit. Biblia nasema. Et chaque se retourna chez lui. Kila moja karudi kwake. Et le royaume fut divisé. Na ufalme ukagawanyika. Roboam quitta cet endroit. Akatoka mahali hapo. Courant. Akikimbia. Sauf qui peut. Pourtant, il venait de lui dire tout à l'heure. Ijapokuwa alimaliza kumwambia hapa sasa. Nous allons être tes esclaves. Tutakuwa watumwa wako. Quel est le problème, mes frères? Shida ni gani ndugu zangu? Le système de fonctionnement. Namna ya mitumikio yake. Système de fonctionnement. Namna mitumikio yake. Le jour où tu réussis siku unapofaulu à aménager ton système de fonctionnement, kutengeneza namna mtumikio yako, tu verras, utaona, que ta vie ya kwamba maisha yako va avoir essence, itakuwa na mafaa, et le destin, na je veux dire la destinée de ton existence, na hatima ya kuishi kwako, va commencer à porter du fruit, itaanza kubeba matunda. Alléluia. Amen. Alors, quand nous voyons dans Genèse chapitre 2 verset 15, tunapoona ndani ya kitabu cha Mwanzo 2:15 Mungu anamwambia Adamu. Il est écrit, il le mettant dans le jardin. Il m'andika kawaweka ndani ya bustani. Et il lui dit, nakamwambia, cultivez le jardin. Lima bustani. Gardez le jardin. Chunga bustani. C'est la première instruction. Inakuwa ni maarifa, maagizo ya kwanza. Précise. Ambayo inakuwa kabisa imekamilika. Concrete, ama inaonekana, inaweza kuguswa. Que Dieu donne à Adam. Ambao Mungu anampatia Adam. Cultive le jardin. Lima bustani. Cultive le jardin. Lima bustani. Et puis dit garde le jardin. Na kisha anamwambia chunga bustani. Tu es le premier être sur la terre. Wewe ndiye mtu wa kwanza duniani. La première instruction que je te donne, agizo la kwanza ninalokupa, c'est le travail. Ni kazi. Travail. Tumika. Bien-aimé, wapendwa, notre système de fonctionnement namna mitumikio yetu a besoin inahitaji d'intégrer iingize le travail. Il lete kazi ndani mwake. A besoin deuxièmement inahitaji ya pili d'intégrer iingize ndani mwake le moral. Maadili ama usawa. J'ai dit le travail. Nasema kazi. J'ai dit aussi le moral. Nasema pia maadili ama usawa. Mais aussi la morale. Le moral. Maadili. Et la morale. Na maadibisho. Quand les genres changent, l'essence change. On va y revenir. Wakati watu wanaibadilisha na maana yake inabadilika. Alors, un travail bien fait. Kazi inayofanyika vizuri. Pour de bons résultats. Kwa ajili ya matokeo nzuri. Adam. Adamu. Tu dois bien fonctionner. Unapaswa tumika vizuri. Quel est le problème des humains? Shida ya wanadamu ni nini? L'oisiveté. Ni kutotumika. Le refus de travailler. Ni kukataa kutumika. Parfois on veut travailler de la bouche. Mara unapenda utumike na kinywa. Quelquefois on postule même. Mara hata unatafuta kazi. Mais on n'est pas prêt à travailler. Lakini hauko tayari kutumika. Regardez. Tazama. Nous parlons de standard élevé du système de fonctionnement. Tunazungumzia kiwango cha juu kinachoinuliwa cha namna hiyo. Un homme qui va bien représenter Dieu sur la terre. Mtu ambaye atamwakilisha vizuri sera un travailleur. Itakuwa ni mtu anayetumika. Un travailleur. Mtu anayetumika. Lorsque tu es un travailleur, wakati wewe unatumika, il y a beaucoup de choses mauvaises kuna vitu vingi mbaya qui vont déjà t'échapper. Ambavyo vitaenda mbali na wewe. Elles vont t'échapper. Vitaenda mbali na wewe. Beaucoup de mots viennent dans notre pensée. Makosa mengi yanakuja ndani ya mawazo yetu. À partir de l'oisiveté. Kupitia kutotumika. De la paresse. Kupitia usaifu. Tu fonctionnes mal. Unatumika vibaya. Si tu n'aimes pas le travail. Kama haupendi kazi. Tu vas constater. Utagundua. Que quand tu travailles pas. Ya kwamba wakati hautumiki. C'est comme un boulevard ouvert dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton homme intérieur. Ni kama vile njia iliyo wazi ndani ya mtu wako wa ndani ndani ya mawazo yako. Pour te dérouter de l'essentiel. Kwa ajili ya kukuondoa ndani ya iliyo ya mama. Et Dieu dit à Adam. Na Mungu anamwambia Adam. Cultiver le jardin. Lima bustani. Il y a des choses qui doivent être présentes dans notre système de fonctionnement. Kuna vitu ambavyo vinapaswa kuwa ndani ya namna. C'est que l'homme n'est pas sans travail. Ni kusema mtu haiko bila kazi. Paul en revient plus tard pour dire que celui qui travaille pas ne mange pas. Na Paulo anairudilia huko mbele anasema asiyetumika na asile. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quand vous regardez Adam. Unapoangalia Adamu. Dans le jardin d'Eden. Ndani ya bustani ya Edeni. Et qu'il commence à penser. Na kisha anaanza kufikiri. À se rendre compte qu'il est seul. Anagundua kwamba iko yeye mwenyewe. J'imagine. Nafikiri. Qu'il a un peu sombré dans l'inaction. Alizama ndani ya kutotumika. Et qu'il commence à constater qu'il est seul. Na kisha anaanza kugundua kwamba iko yeye mwenyewe. C'est quand tu travailles pas. Ni wakati ambapo hautumiki. Que tu vas constater. Ndipo utagundua. Que ton voisin a plus d'avantages que toi. Ya kwamba jirani yako ana faida nyingi kukushinda wewe. Tu vas commencer à être jaloux. Na utaanza kusikia wivu. Et même tu vas chercher le carreau. Na utaanza kutafuta hata na karuho. Pour lui donner. Ili kwamba umpatie naye. Tu vas constater qu'il émerge plus que toi. Utagundua kwamba anaendelea kukushinda. Mais quand tu as plein travail. Lakini wakati uko na tumika. Tu n'as pas le temps de constater ces choses. Na una muda wa kugundua vitu hivyo. Parce que tu as un bon système de fonctionnement. Sababu una namna nzuri ya mitumikio. Qui est sécurisé. Na unalindwa. Ce système est sécurisé. Na hiyo namna mtumiko yako inalindwa vizuri. Le travail. Kupitia kazi. Homme pilier. Mwanaume nguzo. Le travail. Kazi. Dit à ton voisin. Ambia jirani yako. Si tu es homme pilier. Kama wewe ni mwanaume nguzo. Le travail. Kazi. Unapaswa tumika. Dis-lui terriblement. Dis-lui fortement. Mwambie na nguvu. Si tu es homme pilier. Kama wewe ni mwanaume nguzo. Tumika. Dirais à quoi es-tu homme pilier si tu travailles pas? Sasa wewe ni mwanaume nguzo namna gani kama wewe hautumiki? Comment tu vas nourrir ta famille? Utalisha namna gani jamaa lako? Comment vous trouvez que tu sois chaque jour en train de demander de l'aide, aujourd'hui je ne sais pas, je vais manger quoi à la maison, demain je ne sais pas, je vais manger quoi. Oh, à la famille, on n'a pas mangé hier, moi, ndugu na dada. Si c'est ça ta vie, kama hiyo ndiyo maisha yako, est-ce que c'est agréable d'abord? Je kwanza ni ya kupendeza. Et c'est dû à quoi? Na inatokana na nini? Comment tu fonctionnes? Unatumika namna gani? Tu as déposé 1000 demandes d'emploi. Umesha weka vikaratasi vya kutafuta kazi. Et quand les amis te disent mais fais quelque chose toi-même. Na warafiki wanapokuambia sifanye kitu wewe mwenyewe. Tu dis non, tu vois nous on a j'ai une licence. Unaona mimi ninakuwa na cheti cha bachelor. Je venais de commencer la maîtrise. Kwanza nilikuwa nimeanza tayari masters. Ok, reste avec ta maîtrise. Sawa, baki na masters yako. Tu vas rester là jusqu'à ce qu'on va t'enterrer. Utabaki hapo mpaka wakati watakufa. Aussi longtemps que dans ton système de fonctionnement. Zaidi ndani. Le travail. Ya mtumikio yako, kazi. J'ai dit le travail. Nasema kazi. Imaginez une église. Angalia tu kanisa. Arche soit telle. Hata ikuwe composé des hommes piliers entre guillemets qui sont tous ils travaillent pas. Ambao inaundwa na wanaume nguzo lakini wote hawatumike. Vos femmes vont pleurer chez le pasteur. Wake zenu watalia kwa mchungaji. C'est vrai non? Si ni kweli. On reçoit des hommes comme ça, des femmes comme ça au bureau. Tunapokea kwa wanawake kama na hivi kwenye ofisi. Je ne sais pas qu'est-ce qui mchungaji ombe mume wangu. Sijui nini aiende. Analamka kana kaa tu anakaa kaa tu. Il se lève le matin et il s'assoit et c'est tout. Vraiment bwanangu, vraiment papa, mon mari, papa, mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui manque? Nini anakosewa nayo? Dans son système de fonctionnement. Ndani ya mtumikio yake. La chose essentielle n'est pas dedans. Kitu cha muhimu hakiko ndani. Kazi. Le travail. Kazi. Je vous ai expliqué dans les réunions passées. Nimewafasilia ndani ya mikutano zilizopita. Que quand la fille connaît la rupture de son foyer. Wakati binti anaona unyumba wake unabomoka. Elle rentre chez son père. Anarudiaka kwa baba yake. Mais le garçon rentre chez qui? Lakini kijana anarudi kwa nani? Le garçon rentre chez qui? Kijana atarudi kwa nani? Oh papa, mimi narudia kwa nyumba. Oh baba, zerante kwa yangu inakufa. Oh mon foyer brisé. Vraiment si tu étais na kama vitakuwa. Unaenda kwa nani? Ça va être comme tu vas aller chez qui? Utaenda kwa baba yako. Parce que c'est prévu Zababu depuis le commencement, tangu avant que la femme soit là, mbele mwanamke awe, homme mwanaume, cultive le jardin. Lima bustani. Ces choses doivent s'installer en toi. Na mambo haya seti ya écoutez, tu n'as pas de système de fonctionnement normal hauna namna si le travail n'est pas d'abord installé. Kama kazi haijawekwa. Quand tu te réveilles, unapoamka, emploi ou sans emploi, uwe na kazi usipokuwa na kazi, tumika. S'il faut casser les pierres, casse les pierres. Kama naomba kuvunja mawe, vunja. S'il faut aller balayer la route, balayer la route. Kama naomba kufagia barabara, même bafagia. Si on va pas te payer, travaille. Hata hawata kulipa, tumika. Travaille. Tumika. Beaucoup de vies sont malheureux. Maisha mengi ni ya ole. Simplement parce que le travail manque dedans. Sababu kazi inakosa. La dépendance. Kulingana na wengine. Kutegemea wengine. Il y en a même qui développent ce genre de phrases. Kuna wale ambao ma relation iko ya lazima ma relation mimi niko mtu wa ma relation. Voyez il y a des gens qui disent oh, voyez les relations sont de bonnes choses. Ta couverture pour ne pas travailler. Inakuwa kama kifuniko ili kwamba usitumike. Mimi niko na ma relation hein. Moi j'ai des relations. Dans les relations là tu fais quoi? Ndani ya ile mahusiano unafanya nini? En fait je vais rentrer à la maison. Bon, après si tu kanda kutanini. Je vais rentrer à la maison, mais la je sais journée, pas qu'est-ce que comment? Je vais raconter. Mchano mepitisha namna gani? Il fait soir. Si mekuwa jioni. Tu faisais quoi la journée? Ulikuwa nafanya nini mchana? Non, nilikuwa natembeleana. Oh non, j'étais en train de visiter relation. Mes amis, tu, vous voyez les relations. Tu entretiens tes relations? Et les relations vont se fatiguer de toi. Na ile mahusiano, wale watu watakuchoka. Tu vas aller chez qui? Utenda kwa nani? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un homme pilier ici? Je kuna mwanaume nguzo hapa. Dis-lui le travail, frère. Mwambie kazi ndugu. Le travail. Kazi. Sans travail, à où de face? Sans travail, tu ne vas nulle part. Et tu n'as même pas droit de te marier. Kwanza na una haki ya kuoa. Kusumbua fie ya batu. Cessez d'embêter les filles de gens. Acha kusumbua wadada wa watu. Reste comme ça. Baki vile. Au moins quand tu es seul. Wakati uko mwenyewe. Tu peux même ramasser un pain sur la route là que quelqu'un a laissé tomber. Unaweza logota mkati barabaranu, mtu ameyangusha, unaogota unakula. Mais quand tu es marié. Lakini wakati umeoa. Tu sauras pas ramasser les pains sur la route. Hautaweza tena kulogota mkati barabarani. Utapelekea mkati ya kulokota bibi basi. Est-ce que tu vas amener à ta femme un pain que tu as ramassé? Il va manger, il va avoir le sable dans la bouche. Atakula kisa nasikia mchanga ndani ya kinywa. Mais si toi-même tu sens le sable dans la bouche. Lakini kama ni wewe mwenyewe ambaye unasikia mchanga. Tu l'as ramassé, ça passe. Unajua kabisa umeilogota mambo yanapita. Ça passe. Inapita. Tu vas manger sans manger. Utakuwa una pekenya bipite tu. Tu vas manger sans les dents. Utapekenya bila meno. Et puis tu avales. Na kisa una meza. Et tu prends trois gobelets d'eau. Unakunywa kopo tatu ya maji na usiku unapita. Écoutez frère. Sikiliza ndugu. Le travail. Kazi. Le travail. Kazi. Alors, qu'est-ce que tu dis à Adam éternel? Unamwambia nini Adamu? Quand tu dis cultive le jardin. Unapomwambia lima bustani. Tu veux sous-attendre Adam. Unatafuta kusema nini? Production. Adamu. Gestion. Ulete. Reproduction. Mazalio. Entretien, uchunge, conservation, ulinde, responsabilité. Ukuwe na jukumu. C'est les médias, vous êtes là. Je media wako pale. Je disais production, nasema, gestion, kuza, reproduction, kutawala, entretien, kuzat upia, conservation, ulinda, kuchunga, responsabilité. Jukumu. Ou respect des principes dans ama le travail. Kuheshimu kanuni ndani ya kazi. Il s'agit pas de juste travailler, travailler. Haiko tu kutumika kiolela. Il faut travailler selon les principes. Inomba kutumika kufuatana c'est na kanuni. C'est du travail bien fait. Na ndio maana ni kazi inayofanyiwa vizuri. Quelqu'un qui fonctionne bien. Mtu ambaye anatumika vizuri. C'est anajua qu'il doit bien travailler. Ya kwamba anapaswa tumika vizuri. Pour du bon résultat. Kwa ajili ya matokeo mzuri. Quand je travaille. Ninapotumika. Et je ne récolte pas de bons résultats. Nasivune je reviens à moi-même dans mon système de fonctionnement. Je vérifie quels sont les éléments qui manquent. Ninachunguza ni nini mambo yanayokosa. Quelles sont les choses qui ont fait que je ne produise pas. Ni nini mambo yaliyoacha kwamba. Que je ne réussisse pas. Si lete matokeo ama nisifaulu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez des hommes comme Samuel, nona, David, watu Joseph, kama Samueli, Job, Daudi, Yusufu, Yobu. Je témoigne de Job. Mungu anashuhudia Yobu. Au premier chapitre. Kwenye sura ya kwanza. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Anasema hakuna mtu kama yeye duniani. C'est un homme droit, intègre, il craint Dieu, s'écarte du mal. Yeye ni mtu mnyofu, mkamilifu, ambaye anaenda mbali na maovu. C'est de quoi il s'agit? Ces choses-là sont localisées où dans Job? Mambo haya yako c'est wapi un homme droit, Yobu. Intègre, il craint Dieu, mtu il s'écarte mnyofu. Du mal. Mwenye haki mkamilifu ambaye anaenda mbali na mabaya. Mais quand vous descendez, quand vous lisez un peu plus en haut. Lakini unaposoma huko juu. Il est écrit. Imeandikwa. Job c'est un homme riche. Yobu alikuwa ni mtu tajiri. Et il était dans la phase de jouissance. Na alikuwa ndani ya kiwango cha. Ses enfants étaient dans la phase de jouissance. Watoto wake walikuwa ndani ya kiwango cha kuenjoy. Il passait du temps dans les fêtes. Walikuwa wanapitisha muda wao ndani ya karamu. C'était des fêtes à tour de rôle. Ilikuwa ni makaramu kwa huyu leo kwa ule kesho. Lakini Yobu pouvait se dire. Angepasha kusema. Ces enfants là où ils sont partis s'amuser. Au watoto wameenda kufurahi. Il est possible qu'ils ont offensé Dieu. Yawezekana wamemkwaza Mungu. Et il entre dans sa chambre. Na anaingia ndani ya chumba chake. Il prie. Anaomba. Job, tu fonctionnes comment? Job, unatumika namna gani? C'est avec raison. Ni pamoja na sababu. Et l'Éternel témoigne de toi. Ndiyo sababu Mungu anakushuhudia. Tu fonctionnes. Unatumika namna gani, Job? Alléluia. Amen. J'essaie d'avancer. Parlons moral dans le système de fonctionnement. Tuzungumzie maadili ndani ya namna mitumikio. Travail, nimesema kazi et moral, na maadili. La morale ou le moral. Maadili. Le moral. Maadili hii. A l'essence. Inamaanisha de la force intérieure. Nguvu ya ndani. Quand on dit que quelqu'un il a un moral. Unaposema kwamba mtu anakuwa na bidii. Ça veut dire il a une sorte d'énergie intérieure. Yamaanisha anakuwa na nguvu ya ndani. Système de fonctionnement est le moral. Namna mitumikio na bidii. Écoutez. Sikiliza. Nous vivons sur la terre à contre-courant. Tunaishi duniani na kunakuwa vitu vinyume. Un homme qui fonctionne bien. Mtu anayetumika vizuri. Doit s'armer de morale. Anapasa kuwa na bidii ndani mwake. D'énergie intérieure. Anapasa kuwa na nguvu ya ndani. Et cette énergie provient de quoi? Na nguvu hiyo inatokea ndani ya nini? L'ensemble des informations, des principes. Ndani ya ujumla wa habari na kanuni. Que nous recevons. Tunazozipokea. Des principes positifs. Kanuni nzuri. De l'ensemble des connaissances. Ujumla wa ujuzi. Qui confectionne finalement notre être intérieur pour nous amener à une sorte de caractère, à une sorte d'esprit, à une sorte d'énergie à l'intérieur de nous. Dieu a voulu que l'homme sur la terre ait un standard élevé en système de fonctionnement. Parce que tu vas représenter Dieu sur la terre. Et il y a un monsieur qui est descendu là-bas, animé d'une grande colère. Apocalypse 12, c'est le suivant. Saba na kuendelea. Ou 12, malheur à la terre. Ama 12, 12, ole kwa dunia. Le diable est descendu là-bas. Mana shetani ameshuka animé d'une grande colère. Akiwa na hasira kubwa. Sachant qu'il a peu de temps. Akijua ya kwamba ana muda mdogo. Il faut du moral. Na inaomba bidii. Pour vivre sur cette terre. Ili kwamba uishi hapa duniani. Où le diable est venu avec colère. Mahali ambapo shetani amekuja na hasira. Mais il faut la morale. Lakini inaomba maadili. Pour rester correct et connecté avec Dieu dans ton système de fonctionnement. La morale fait appel à l'éthique. La morale fait appel à la vie chrétienne, à la vie spirituelle, à la relation avec Dieu. Mais le moral fait appel à l'énergie intérieure. Lakini à l'état intérieur. Inamaanisha hii nguvu ya ndani, hali ya ndani. Qui nous permet de tenir. Ambayo inaturuhusu kwamba tushikilie. Dans l'adversité de tenir. Tushikilie hata mbele ya wadui. Hijalishi yote takayopita. Tenir. Tushikilie. Quel que soit ce qui arrive. Hijalishi yote inayopita. Que tu sois femme, que tu sois homme. Uwe mume, uwe mke. Tu as besoin. Wahitaji. Du travail. Kazi. Et de du moral. Unahitaji pia bidii. Et de la morale. Unahitaji pia maadili. Parce que si morale féminine n'est pas là non plus. Sababu kama maadili hayapo. Ton travail va être ruiné. Kazi yako itaharibishwa. Par le diable. Na shetani. C'est là que vient. Na ni hapo ndipo kuna travail sexuellement transmissible. Kazi ambayo unaweza kuipata kupitia ngono. C'est là que ngono. Vient la corruption. Ni hapo ndipo rushwa. C'est là que vient toutes ces choses que vous connaissez ni comme vice. Ni hapo ndipo mambo yote mnayojua kama mabaya yanatokea. Qui ruine l'existence. Na ambayo yanaharibu maisha duniani. Dieu. Na ambayo yanamvunja Mungu moyo. Dieu sait à quoi ça sert. Na Mungu anasema hii yafali ya nini? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu devait faire avec Samson? Mungu angepasa fanya nini na Samson? Sa patience. La patience de l'Éternel a fait que Dieu le patiente jusqu'à la fête des Philistins. Les cheveux commencent à pousser. Dieu espère. Maintenant qu'on t'a crevé les yeux, j'espère que tu retournes à ton bon système de fonctionnement. Malheureusement, jamais. Hakuna. Même à partir de la prière qu'il formule. Hata kupitia maombi ambayo anamwambia Mungu. Kwa kile Dieu okay. Nikiwaza Mungu anasema hao. Tu vas finir avec eux toi. Utaisha tu nao. Tu finis avec. Utaisha nao. Il dit Donne-moi la force. Anasema nipe nguvu. Cette fois-ci. Marahaba. Comme les cheveux ont poussé. Njisi nywele zimeota. Que je venge mes yeux. Ili kwamba nilipize kisasi juu ya macho yangu. Vous savez, frères et sœurs, unajua ndugu na dada, quand vous avez un mauvais système de fonctionnement, wakati una namna mtumikio mbaya, même les employeurs ont marre de vous. Hata watumishi wako kazini wanakuwa wamechoka. Vous savez, il y a dans les entreprises des personnes qui sont intelligentes. Unajua ndani ya makampuni kuna watu walio na akili. Des personnes qui sont capables. Watu ambao wana uwezo. Mais un mauvais système de fonctionnement. Lakini wana namna mtumikio mbaya. Quand tu lui donnes un dossier, il le traite rapidement. Unapompatia kesi kabisa, tu lui donnes un travail, il va le faire très bien. Unapatia kazi, ataifanya vizuri. Mais lakini, système de fonctionnement chaotique. Ni mbovu. Il a commencé de travailler et rapidement il court dehors pour prendre des petits verres à côté dans le quartier. Anaenda kunywa kapombe. On a eu un prof comme ça. Tulikuwa na mwalimu shuleni hivyo. Abuturande ya kiwanja. Pabuturande kiwanja. De psychologie. Alikuwa ni mwalimu wa psikolojia. Et il nous disait. Na alikuwa anatuambia. En fait, c'était parmi les meilleurs professeurs de la région. Ilikuwa ni miongoni mwa walimu wazuri bora wa ile eneo ambao wanafundisha psikolojia. Mais il pouvait commencer la phrase. Lakini angepaswa anza msemo. En dictant. Na waambia iko naisema kwa kinywa. Et ne pas la terminer. Na kisha hata imaliza. Il pouvait commencer la phrase à disant. Angeanza msemo anasema. Notez. Andikeni. Notez. Andikeni. Notez. Andikeni. Notez. Andikeni. Notez. Andikeni. Mais nous attendons la phrase. Sasa tuko tunangoja msemo. Notez. Andikeni. William Wund. William Wund. William Wund. William Wund. William Wund. William Wund. Notez. Andikeni. William Wund. William Wund. On a déjà noté William Wund. Tumeshaandika William Wund mara ngapi sijui. Notez. Andikeni. Et puis à un moment. Na kisha kwa wakati mmoja. Reposez-vous pendant 3 minutes et je reviens. Mpumzike kwa dakika 3 minarudi. Anaenda nje. Il va passer 15 minutes ou 20. Atamaliza kule dakika 15 na 20. Il est allé dehors en fait derrière l'école pour prendre quelque chose. Ameenda nyuma shule ili tena ashitule kidogo. Et puis il revient. Kisha narudi. Wund. Wund. Wund. Wund. Hey. Intelligent. Ana akili. Mais système de fonctionnement déficitaire. Inaharibika. Un jour, siku moja, l'inspecteur est arrivé en classe. Inspecteur kafika ndani ya somo. Parce que les échos étaient tellement ils étaient fatigués. Sababu habari zilikuwa zimewafikia na wamechoka. Et quand il a appris que l'inspecteur sera là. Na aliposikia kwamba inspector atakuwa. Il est allé dans le quartier. Akaenda ndani ya kata. L'inspecteur entre, le prof n'est pas là. Inspecteur anaingia lakini mwalimu haipo. Lui, na yeye. Il vient après l'inspecteur. Anakuja kisha inspecteur. Professeur. Mwalimu. L'inspecteur est déjà assis là. Inspecteur ameshaketi pale. Et le prof arrive. Na prof mwalimu sasa anafika. Il jump dans la classe. Anakimbia kabisa ndani ya shule. Je vous présente. Now, monsieur l'inspecteur. Inspecteur. Il est licencié en psychologie. Yeye ana bachelor ndani ya psychologia. J'espère qu'il connaît bien ce cours et moi je m'assois. Na mimi anajua hii somo vizuri, mimi naketi. Et puis il est allé se mettre derrière. Na kisha kenda keti nyuma. L'inspecteur se lève et commence à parler et dit. Inspecteur na simama na zasema. Kihura. Anamwambia Kihura. Et il lui répond, il lui donne le deuxième nom, Bemans. Anamwambia jina yake ya pili. Je pense que tu n'es pas le premier psychologue. Ninafikiri hauko le prof répond, ni le dernier. Système de fonctionnement. Namna mitumikio. Et la conclusion quand les spectateurs sont dit Monsieur Guiura. Na kwa mwisho inspector anamwambia bwana Guiura. Je reviendrai dans cette école, tu ne seras plus là. Nitakaporudi ndani ya somo hili hautakuwa tena. C'est ce qui a été fait. Na ni hiyo ndio ilifanyika. Système de fonctionnement chers amis. Namna mtumikio wapendwa rafiki. Lorsque vous fonctionnez mal, wakati unatumika vibaya, il n'y a pas d'avenir. Hakuna ujao. Et vous ne saurez pas être l'extension de Dieu sur la terre. Na hautaweza parce que Dieu fonctionne bien. Sababu Mungu anatumika vizuri. On va en parler demain si on a le temps. Tutaiongelea kesho kama Dieu lui, il fonctionne correctement. Mungu yeye anatumika vizuri. Alléluia. Amen. Et il a voulu na litamani kwa se représenter, se reproduire sur la terre. Ajilete duniani. Afin que le monde sache. Ili kwamba dunia ce que Dieu est. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 23, verset 7, il est écrit l'homme est ce que sont les pensées de son cœur. Vous voyez, nous sommes ce que sont les pensées de nos cœurs. Quels sont les principes, les pensées, les informations qui construisent ton système de fonctionnement. Ni nini mawazo, ni nini habari ambazo zinajenga namna mtumikio yako? Et donc la qualité des principes avec lesquels nous vivons. Na ni kusema hali ya kanuni ambazo tunaishi pamoja nazo. Cette qualité est déterminante. Hali hiyo ni ya muhimu. Pour avoir un système de fonctionnement correct. Ili kwamba tuwe na namna mtumikio ambao. Qui va permettre que nous montions en standard élevé. Ambayo itaruhusu kwamba tupande kwa kiwango cha juu. Pour Dieu. Kwa ajili ya Mungu. Pour les attentes de Dieu. Kwa ajili ya ile ambayo Mungu anangojea. Et vous savez que même le sens du bien est tributaire à la qualité des pensées ou des principes que nous avons. Le sens même du bien. Ou un chef de groupe armé. Le bien, c'est tout ce qui contribue à l'aider à atteindre son objectif de groupe armé, y compris égorger les gens. Yote inalingana na ile ambayo anakuwa nayo ndani ya moyo wake ambao ni kuwa watu. Et vous savez, na unajua, qu'est-ce qui alourdit l'élan de l'homme vers un standard élevé en système de fonctionnement? Nini nafanya kwamba c'est pourtant des choses normales. Kwa kuendea je vous cite quelques-unes, la survie. Ninawatajia moja wapo ni kutafutisha maisha ya lorsque tu luttes avec la survie. Wakati unapiganisha pamoja na kutafutisha maisha. Lorsque la survie est une préoccupation pour toi. Wakati kutafutisha maisha inakuwa kama vile hitaji kubwa kwako. C'est-à-dire, yamaanisha manger, nile, se couvrir, se reproduire, nizae, se protéger, nijikinge, jouir de la vie, ni enjoy appartenir maisha, à quelqu'un de grand. Ni kuwa wa mtu mkubwa fulani. Pour atteindre ces choses dans votre vie quotidienne, ceux qui ont un mauvais système de fonctionnement, c'est tous les coups sont permis. C'est-à-dire, je dois manger, dis-moi. Et comment tu fais pour manger? Non, je dois manger. Apana, ninapaswa kukula. Et au braque, na unaiba. Les autres. Parce que tu dois manger, tu vas tuer quelqu'un. Sababu unapaswa kula, unapaswa kumua mtu. Je dois me protéger. Napaswa kuchikinga. Dans une bonne maison. Ndani ya nyumba nzuri. Contre le froid. Nijikinge na baridi. Alors pour ça, sasa kwa ajili ya hiyo, tu fais quoi pour y arriver? Unafanya nini ili ufikie hiyo? Je dois me marier. Napaswa kuoa. Je dois me reproduire. Napaswa kuzaa. Et pour certaines femmes, kwa wanawake wa moja, je dois me reproduire. Napaswa kuzaa. Tu n'as pas encore de mari. Hauna mume. Comment tu fais? Utafanya nini? C'est des choses normales pourtant. Ni mambo iliyo kawaida. Mais quand on ne fait pas attention, lakini wakati haufanyi angalizo, ça alourdit notre avancée, inafanya notre élan kusongea mbele kwetu, kuendelea kwetu. Un standard élevé que Dieu attend de nous. Kuendelea kwenye kiwango cha juu ambao Mungu anangoja kwetu. Dit à ton voisin, mon frère. Ambia jirani yako ndugu. Standard élevé. Kiwango cha juu. Système de fonctionnement. Namna ya mitumikio. Regardez. Angalia. Quand vous manquez ces choses dans la vie d'une personne, wakati unakosa mambo haya, vous allez retrouver en lui de la bassesse. Utaona ndani mwake mna upumbavu. Des combines. Kuna kuwa vitu vya kuharibika. Des choses bizarres. Vitu vya ovyo ovyo. La médiocrité. Kuna upumbavu ujinga. Parce que sababu il utilise la médiocrité anatumia ujinga pour avoir une femme. Ili kuamba kuwe na mwanamke. Pourtant, on peut se marier ijapokuwa avec un standard élevé. Unaweza kuoa na viwango ndani ya kanuni za juu. Je parle à un jeune homme ici. Je naongea na kijana hapa. Mina nishatia mwanamke mnyumba. Titie moi si nanda c'est quoi cette affaire? Umetia mwanamke ndani ya nyumba hii ni mambo gani? Je viens de me marier et on allait te poser la question. Ungepaswa kuuliza swali. Tu ne nous as pas invité. Haukutualika hata kwenye ndoa yako. Oh moni mikoloyo bon la vie est difficile. Hizi siku maisha iko magumu. Tu veux atteindre un résultat normal. Unapenda ufikie matokeo. D'être marié. Ya kuwa umeo. Un système de fonctionnement déficitaire. Lakini namna mtumikio yako imeharibika. Te conduit à le faire de manière bizarre. Na inakuongoza uifanye ovyo ovyo. Bizarre. Ovyo ovyo. Et tu te veux être un homme pilier. Na kisha unapenda ukuwe mwanaume nguzo. Quel genre de pilier tu es? Uko nguzo ya aina gani? Quel modèle? Mfano gani? Tu veux représenter Dieu sur la terre? Unapenda uwakilishe Mungu duniani? Tu veux transporter Dieu? Unapenda umbebe avec Mungu? Avec de telles bassesses? Pamoja na ujinga kama na huu? Non. Hapana. Mais les gens corrects et sensés. Lakini watu sawa ambao wanakuwa na veulent atteindre le même objectif. Wanahitaji wafikie lengo le même résultat. Matokeo yale yale. Selon les règles. Lakini kufuatana na kanuni. Et Chronique 15:13. Ndani ya mambo ya siku ya kwanza 15 mstari wa 15. Le roi David, après avoir mal transporté l'arche de l'alliance, il revient et dit la fois passée. Mfalme Daudi kisha kuwa alipeleka vibaya sanduku la agano anasema mara iliyopita. Nous ne l'avons pas servi selon les règles. Mungu alitupiga sababu hatukumtumikia kufuatana na kanuni. Hallelujah. Amen. Selon les règles. Kufuatana na kanuni. Dans 1 Corinthiens 6:18 il est écrit. Ndani wa Korinto wa kwanza 6:18. Fuyez l'impudicité. Kimbieni uzinifu. Y compris les choses semblables. Na mambo yanayofanana nayo. Hallelujah. Amen. Permettez que je prenne le dernier point ici, comme ça demain on va prendre le chapitre suivant. Le troisième standard que Dieu attend de nous, le standard élevé en esprit. Un standard d'esprit élevé. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Des jeunes gens viennent à Babylone dans Daniel chapitre 5 verset 12. Ndani ya kitabu cha Daniel 5 mstari wa 12 vijana wanakuja Babiloni. Et comme on l'a lu dans le chapitre 1er, ils décident de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Na jinsi tuliona ndani ya sura ya kwanza wanaamua. Une partie de l'équipe passe par la fournaise ardente. Na sehemu ya moja ya kundi inapita kwenye tanuru la moto na Danieli. Dans le règne suivant de Belshazzar. Ndani ya utawala wa Belshazzari. On lui fait appel. Wanamuita. Et le roi lui dit. Na mfalme anamwambia. On a trouvé chez lui. Chez Daniel, nommé Belshazzar, un esprit supérieur. Wanasema tumekuta kwa Danieli anayeitwa Belshazzari roho. De l'intelligence. Wajuu. La faculté d'interpréter les songes, expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Maarifa, elimu na uwezo wa kutatua swali ngumu. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Na Danieli aitwe na ataleta mafasirio. Et au verset 14, le roi dit. Na kwa à Daniel, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Nimesikia kwamba unakuwa na roho. Ya en toi l'esprit de Dieu, un roi païen l'a appris. Mufalme mpagani amelewa kwamba ndani mwako kuna roho. Nous avons vu dans le psaume 82. Na tuliona ndani ya kitabu cha Zaburi. Je vous ai dit, vous êtes de Dieu. Nimewaambia nyinyi. Les hommes de Dieu vont le remarquer. Les païens vont le remarquer. Wapagani wataitambua. J'ai appris. Nime qu'on trouve en toi. Nimeelewa kwamba ndani mwako des lumières qui a en toi. l'Esprit de Dieu. Et qu'on trouve chez toi des lumières, lumières des nations, porteurs de salut. On trouve chez toi de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Bien-aimé, wapendwa, un homme porteur de contenu divin, mtu ambaye anabeba vilivyo ndani ya Mungu, il porte quoi? Anabeba nini? Il porte l'être de Dieu. Anabeba, il porte le faire de Dieu. Anabeba, il porte la vision de Dieu. Il porte les objectifs de Dieu. Il porte les principes de Dieu et il marche avec sur la terre. Anabeba maono, anabeba shabaha za Mungu na anatembea nazo hapa duniani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et quand nous disons standard élevé en esprit, na tunaposema kiwango cha juu ndani ya roho, nous ne voyons pas seulement le Saint-Esprit, hatuone tu Roho Mtakatifu, mais nous voyons dedans lakini humu ndani un état intérieur, hali ya ndani, forgé ambayo umetengenezwa par l'exposition au principe divin et à l'Esprit de Dieu, kufuatana na kujiweka mbele ya Roho wa Mungu. C'est ça qui produit les standards élevés en esprit. Na hii ndio naleta kiwango cha juu ndani ya roho. Au point que même quand nous allons devant le Seigneur, na hata wakati tunenda mbele za Bwana, Dieu préfère que nous venions avec un état d'esprit élevé. Mungu anatamani kwamba tuje na hali ya roho ambayo iko juu. Un jour il a convoqué le peuple au Sinaï. Siku moja akaita watu kwenye mlima Sinai. Moïse devait monter dans la montagne pour parler avec Dieu. Sababu Musa angepaswa panda kwenye mlima kwa kuongea na Mungu. Et Dieu instruit le peuple et leur dit. Na Mungu anaambia watu, anawaambia. Il dit Moïse, dis à ton peuple anamwambia Musa, ambia watu que vous sanctifiez pendant trois jours, ya kwamba mjitakase muda wa siku tatu, vous lavez, munawe. Quelqu'un s'est lavé ce matin? Je, kuna mtu ambaye alinawa, aliosha mwili wake siku ya leo? Tunapoenda kanisani, je, tunajiosha mili zetu? Il dit aussi que personne ne touche les femmes. Na nasema pasiwe mtu atakayegusa wanawake. Ça devient curieux. Inakuwa kushangaza. Nous allons voir Dieu. Tunaenda ona Mungu. Dieu dit ne touchez pas aux femmes pendant trois jours. Na Mungu anasema msiguse wanawake muda wa siku tatu. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Unapenda nini, Bwana? Je voudrais que mon peuple, ningependa taifa langu, quand ils viennent parler avec moi là, watu wangu wanapokuja kuongea na mimi hapa, qu'ils aient un esprit élevé. Wakuwe na roho ambayo anakuwa juu. Comprenez ce que je dis? Unaelewa ninayosema? Il y a des adultes ici. Kuna watu wazima hapa. Vous pouvez voir les adultes qui sont là. Naweza ona watu wazima walio hapa. Tout le monde est adulte. Kila mtu ni mtu mzima hapa. Parce que, sababu, si vous venez, kama mnakuja, n'importe comment, haizuru namna gani, quand je parlerai moi Dieu, nitakapoongea mimi Mungu, vous serez dilué. Mutayayushwa. Comprenez de quoi je parle? Unaelewa nini ninasema? Vous serez dilué. Mutayayushwa. Les choses vont vous passer outre. Mambo yatapita pembeni ya masikio. Quand Dieu nous veut à sa présence, wakati Mungu il veut que nous soyons totalement là. Anahitaji tuwe sisi wote avec notre esprit total. Pamoja na roho yetu, que nous soyons présents, tuwe hapo, lucides, tuwe wangalifu, wa makini. Alors, na hapo sasa, il nous parlera. Ataongea na sisi. Mais qu'est-ce qui se passe? Lakini nini napitikana? Pourquoi quand tu as besoin d'écouter Dieu tu vas en retraite? Sababu gani wakati unapenda kumsikiliza Mungu nenda ndani ya kipindi cha maombi? En fait? Unatafuta nini? Tu veux que ton esprit, unahitaji roho wako ipande. Et Dieu, na Mungu, quand il envoie l'homme sur la terre, anapomtuma mtu duniani, il le veut en standard élevé, en nature, standard élevé, en système de fonctionnement, et standard élevé en esprit, c'est-à-dire les prédispositions intérieures, mais aussi la plénitude du Saint-Esprit. Voilà ce qui va permettre que tu puisses porter Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce standard élevé nous aide à transporter Dieu. Ces standards élevés nous poussent à rechercher les dotations divines parce que c'est aussi en fonction du niveau des dotations divines. Sababu ni kulingana na vile vifaa vya Mungu, dotation divine en nous, vifaa vya Mungu ndani mwetu, que notre standard en esprit s'élève. Ndipo kiwango chetu ndani ya roho kinainuka. Quelqu'un comprend? Je kuna mtu anaelewa? Je peux voir celui qui a compris. Naweza kuona ule ambaye ameelewa? Alléluia. Amen. Il est écrit imandikwa dans Ésaïe 1:9. Ndani ya Isaya 1:9. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, kama nyinyi muna vous mangerez les meilleures productions du pays. Munapenda vitu vizuri na muko watii mtakula matunda nzuri ya nchi. Amen. Standard élevé. Kiwango cha juu ndani ya asili. En système de fonctionnement. Ndani ya namna mtumikio. En esprit. Ndani ya roho. Voilà ce que l'Éternel rêvait. Tazama ile ambayo Bwana alikuwa anatamani. Quand il créait l'homme. Wakati alimuumba mwanadamu. On pourrait se dire, tungeweza kusema, où sont passés ces hommes qui avaient des standards comme ça? Wameendea wapi hawa watu ambao walikuwa na kanuni na viwango kama hivi? Ils sont passés où? Wameendea wapi? Les Joseph, wa Yusufu, les Samuel, wa Samueli, les David, wa Daudi, les Job, wa Yobu, sur qui Dieu pouvait compter? Ambao Mungu angepasha kuwategemea. Où sont passés les hommes comme apôtre Paul? Watu kama mtume Paulo wameendea wapi? Acte 19:12, dont l'ombre guérissait les gens parce qu'ils transportaient Dieu. Ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume 19 inaonyesha kwamba kivuli chake kilikuwa kinawaponya watu sababu alikuwa anabeba Mungu, anatembea na kivuli chake, kivuli. On étale les malades. Wanatandika wagonjwa. Et quand Paul part, na wakati Paulo anapita, les malades étendus là sont guéris. Wagonjwa ambao wanatandikwa pale wanaponywa. Comme Pierre. Watu kama Petro wameendea wapi? Dans les mouchoirs qui l'ont touché. Ambao vitambaa ambavyo wamegusa. Pouvaient guérir les malades. Vingewaponya wagonjwa. Et grave encore. Na zaidi sana. Chasser les démons. Kufukuza hata mapepo. Éponge. Kitambaa, kitambaa. Tu as des démons? Una pepo. Je ne sais pas s'ils faisaient comme ça. Sijui kama walikuwa wanafanya hivi. Ils faisaient comme ça. Kama wanagusa tu. Et les démons partent. Na mapepo yanaenda. Quelle dotation. Ni vifaa aina gani hivi. Tu es tellement rempli de Dieu. Unajazwa na Mungu sana. Quel transport. Unabeba kabisa. Tu le transportes vraiment. Unamubeba kabisa. Au point qu'il est en train de déborder de toi. Na hata anaanza kufurika ndani mwako. Pourtant Dieu voulait. Ijapokuwa Mungu alikuwa anahitaji. Que tous les êtres humains sur la terre. Kuomba wanadamu wote. Les transporte dans cette dimension là. Wamubebe ndani ya kiwango hicho. C'est à cela que Dieu nous attend. Ni hapo ndipo Mungu anatuongoza. Homme pilier. Mwanaume nguzo. Dans notre génération. Ndani ya kisasa. Que dire? Tu sais nini? Jacques, Jacobo, dit, Élie était un homme de même nature que nous. Élie alikuwa mtu il kama pria pour qu'il ne pleuva point pendant 3 ans et demi. Et il pria encore. Et la pluie revint. Mes amis, rafiki zangu, qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Tunafanya nini duniani? Pourquoi Dieu doit rester dans la déception? Sababu gani Mungu baki ndani ya kuvunjika moyo? Y a-t-il pas un papa ici, un homme? Hakuna baba hapa, hakuna mwanaume hapa, mwanamke. Qui dirait Seigneur? Ambange pasa kusema Bwana. Commence avec moi. Anza pamoja nami. Nous avons vu les avantages. Tumeona faida. Quand Dieu serait lui-même sur la terre. Wakati Mungu angekuwa yeye mwenyewe duniani, ile ambayo ingepasa kuwa. Nous avons vu. Tumeona. Ce que serait les retombées. Ile ambayo ingepasa kuwa. Même la Bible. Hata Biblia hii. Environ 2 chapitres seulement. Ingekuwa tu kama vile na sura mbili. Livres. Pahali pa hivi hivi vitabu vyote. Chers amis. Rafiki zangu. Pourquoi tous ces défis traînent autour? Sababu gani hizi tatizo zote zinakaa mbele zetu? Les défis dans notre propre famille. Matatizo ndani ya jamii. Les défis dans la nation. Matatizo ndani ya nchi. Les défis dans ton travail. Matatizo ndani ya kazi. Pourquoi ces défis traînent? Sababu gani matatizo haya yanadumu? Alors que Dieu itapokuwa Mungu devrait être en moi. Angepasa kuwa ndani yangu. En train de les relever. Na anakuona sitatua kwa ghafla. Seigneur, tu es parti où? Bwana, umeenda wapi? Sukuye ni kubebe. Viens, je vais te transporter. Mungu kuja ni kubebe. Dieu, viens, je vais te porter. Et nous allons partir ensemble. Na tutaenda pamoja. Partout où il y a des problèmes. Mahali pote ambapo kuna shida. Nous allons les régler. Na tutaenda kuzitatua. Rapidement. Haraka. Et quand il y a suffisamment en moi, na wakati uko ndani mwangu, certains problèmes vont se régler. Kuna shida zingine zitatatuliwa. Que ce soit. Bila hata je mimi kufanya marcher. Nitatembea tu. Je vais juste être là. Nitakuwa tu hapo. Et dès que je suis là. Na wakati niko hapo. Les féticheurs. Wachawi. Ne fonctionnent plus. Wafumu hawatatumika tena. Où es-tu parti, Seigneur? Umeenda wapi Bwana? Pour que les sorciers viennent dans nos réunions. Ili kwamba wachawi waje ndani. Et ils terminent la réunion calmement. Na wanamaliza mkutano na amani. Où sont les transporteurs de Dieu? Wanaobeba Mungu wako wapi? Pour que ili kwamba le monde sache ulimwengu qu'il y a un Dieu. Ya kwamba kuna Mungu. Un Dieu vivant. Mungu aliye hai. Jusqu'à présent. Mpaka sasa. Mais un Dieu qui cherche un homme, une femme sur Mungu la terre. Mungu anayetafuta mwanadamu. Un homme qui va le transporter. Mtu ambaye atanibeba. Rempli de lui. Savez-vous que même quand nous parlons plénitude du Saint-Esprit, et que les hommes disent, nous allons maintenant prier, et Dieu va nous baptiser du Saint-Esprit, et les gens ont fini par croire que baptiser du Saint-Esprit signifie être amené à parler en langue. La Bible parle de parler en langue comme indice de la présence et la plénitude, de la présence du baptême. Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que Dieu lui-même, dans Ephésiens, chapitre 3, verset 20, ou 19, 18, il est écrit que vous connaissiez la largeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Plénitude de Dieu, c'est-à-dire la plénitude du Père, la plénitude du Rédempteur, la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu. Mais quand je transporte Dieu, les choses changent. Quand je m'avance, les solutions se trouvent. Quand je m'arrête, les anges de Dieu, malaika wa Mungu, banapanua, il commence à s'étendre. Parce que le transporteur de Dieu vient de s'arrêter ici dans ce quartier. Les choses vont commencer à se produire. Ne veux-tu pas te lever et commencer à prier? Chers amis, il est temps que l'homme pilier devienne un transporteur de Dieu. Transporte Dieu d'ici. Amène-les dans ta famille, amène-les dans ta maison. Ta femme a besoin de Dieu. Tes enfants ont besoin de Dieu. Tes voisins ont besoin de Dieu. Transporte-les d'ici. Amène-les dans ton quartier. Amène-les dans ton ministère. Amène Dieu. Quelqu'un commence à prier. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur. Seigneur, pourquoi les défis traînent? Pourquoi les situations adverses traînent autour de moi? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi le monde s'est détruit alors que je suis sur la terre? Qu'est-ce que je vois, Seigneur? Pourquoi les gens s'enfoncent dans le mal alors que je suis présent sur la terre? Pourquoi les choses du ministère n'évoluent pas alors que je suis là? Pourquoi les défis de Dieu s'enlisent alors que je suis présent là-dedans? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Qu'est-ce que je fais à Goma? Ningali nafanya nini Goma? Pourquoi Goma est-il toujours menacé? Par Nyiragongo? Par le gaz, alors que je suis là, tu devrais être en moi, Seigneur, pour parler au gaz, pour parler à Nyiragongo, pour parler aux groupes armés, pour parler aux défis de la nation. Ne veux-tu pas passer par moi, Seigneur? Quelqu'un parle au Seigneur. Sheba Shanta Yakaro. Seigneur, tu cherchais un homme, mais voici. Tu cherchais une femme, la voici. Tu cherchais un être humain. Ils sont ici dans cette salle. Et assez corébola d'achat. Andara boche tere karigolaza. Rekata kabakote kalaboche. Remero boche taragala. Yesi la lou la boche takaya. Oh Dieu, jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand, oh Dieu? Ne veux-tu pas trouver quelqu'un, oh Dieu? Trouve quelqu'un ce soir, trouve quelqu'un, mon Dieu. Trouve au moins une personne. Quand, Seigneur, jusque à quand, oh Dieu, le diable se moque de nous, jusque à quand? Ache que rebochenta yababos et kabasha karebosanta. Cari de la bouche taille qui était là. Levons nos mains ensemble. Tujoshe mikono yetu pamoja. Et prions ensemble. Tunaomba pamoja. Dites Seigneur mon Dieu. Semeni Baba Mungu wangu. J'ai écouté ta parole. Nimesikiliza neno lako. Ta parole est la vérité. Neno lako ni ukweli. Il est écrit vous connaîtrez la vérité. Imeandikwa mtaujua ukweli. Et la vérité vous affranchira. Na ukweli utawaweka huru. Seigneur il est écrit. Bwana imeandikwa. Que nous allons te connaître. Ya kwamba tutakujua. Nous allons te ginosko. Tuta ku ginesko. Et devenir ce que tu es. Na kukuwa ila ambayo wewe uko. Devenir homme parfait. Kukuwa mtu mkamilifu. Homme fait. Mtu ambaye kamilika. La stature parfaite de Christ. Ambaye anafikia kiwango kikamilifu cha Kristo. Seigneur. Bwana. Quand tu es venu. Wakati ulipokuja. Tu étais. Ulikuwa le reflet de la gloire de Dieu. Ulikuwa picha ya utukufu. Tu étais l'empreinte de sa personne. Ulikuwa chapa ya utu wake. Et tu as voulu que nous le devenions. Na ulitamani kwamba sisi tuwe hivyo. Tu es venu, Seigneur Jésus. Umekuja Bwana Yesu. Pour que nous atteignions ces standards. Ili kwamba tufikie kiwango hicho. Je veux être ton reflet. Nahitaji niwe picha yako. Je veux être ton empreinte sur la terre. Nahitaji niwe chapa yako duniani. Et pour le devenir. Na ili niwe nayo. Je veux être rempli de toi. Nahitaji nijazwe na wewe. Rempli-moi de toi. Nijaze na wewe. Oh Dieu. Eh hey, Mungu. Remplis-moi de toi. Unijaze na wewe. Oh Dieu. Eh hey, Mungu. Dieu. Eh hey, Mungu. Remplis-moi de toi. Unijaze na wewe. Commence à le demander. Demande. Anza kuiomba, anza kuiomba. Oh Dieu, remplis-moi de toi. Unijaze na wewe Mungu. Oh Dieu, remplis-moi de toi. Unijaze na wewe Mungu. Skate kakate kakabushe tabakare bovasi. De kataka karabashote rabogasa re bakasha katabaka yala ryote kete bagaya sekala babasa itaka karabasa daka yabaseke. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, Seigneur, remplis-moi de toi, mon Dieu, remplis-moi de toi, rocher de mon salut, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, oh Dieu, remplis-moi de toi, c'est prévu depuis avant la fondation du monde que je serai rempli de toi. Remplis-moi aujourd'hui, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Remplis-moi, Seigneur. Unijaze Bwana. Remplis-moi, Seigneur. Unijaze Bwana. Nous voulons continuer cette prière à la maison. Tutaendelea na maombi haya nyumbani. Alors que nous rentrons à la maison. Tunaporudi nyumbani. Tu vas continuer cette prière. Utaendelea na maombi haya. Si tu veux jeûner, tu commences ton jeûne maintenant. Kama unapenda kufunga unaanza mafungo yako sasa. Si c'est pas nécessaire, tu vas continuer la prière. Kama haiko ya maana unaweza endelea na maombi. Ndugu na dada. L'heure muda de Dieu ya Mungu est arrivé. Imefika. On peut partir. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki, tunaweza kurudi.